Entraînement. Activité 4, page 127. Piste 99. Bonjour, je m'appelle Cathy. Je suis en vacances à Paris avec mes parents. Le premier jour, je visite le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Le deuxième jour, je visite Disneyland Paris toute la journée. Le troisième jour, je fais les magasins. Le dernier jour, j'écris des cartes postales à mes amis.